À la maison de cinéma de Sherbrooke cette semaine, Les Pingouins de Madagascar, des réalisateurs Simon J. Smith et Eric Darnell, en version française. C'est votre capitaine qui vous parle! Vous connaissez déjà les Pingouins de Madagascar, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont une double vie. Ils sont agents secrets. L'histoire commence lorsque quatre frères... C'est vous, ma famille? Tu n'as pas de famille et on va tous mourir. Quoi? Qu'est-ce qui te prend, Kowalski? Grandissent en passant maître dans l'art du camouflage, de l'espionnage et des attaques aériennes. Suivez-moi, les petits gars, on attaque pendant que c'est chaud! C'est chaud! Relève pas ça, chaud. Les frères Sadar! Mais lorsqu'il s'agit de maîtriser un fou... Je suis capable de vous détruire! Ils vont avoir de la concurrence. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Restons calmes, les pingouins. Vous êtes maintenant sous la protection du vent du Nord. On sait même pas ce que vous faites dans la vie! Le vent du Nord est un commando d'élite secret interespèce. Un commando secret d'élite interespèce. D'intervention. Dont la vocation est d'assister... dont la vocation est d'assister les animaux qui ne peuvent pas s'assister tout seuls. Ce Noël, on a un fou visqueux en première ligne. C'est moi qui donne les ordres ici. Je t'avais dit de leur mettre les menottes. Mais ils ont pas de mains, ils ont que des nageoires. Et moi j'ai que des nageoires aussi, alors on nage en plein délire. Quand le monde est en danger... Poursuivez-les. Allez go les petits gars, on fait Konak Cuba. Venise, Rio de Janeiro, Düsseldorf. Nous avons atterri dans le centre de Dublin en Irlande. On se fond dans le décor. Salsa Celtic. Les héros, on a besoin de personne, deviennent des légendes. Les pingouins sont la chair de nos plumes. Si quelqu'un doit nous sauver, ce sera nous. Par les créateurs de Madagascar. Il a piraté notre système. Dave. On n'entend rien. Dave, votre micro, il est pas branché. Cliquez là où il y a le petit dessin d'un micro. À chaque fois, c'est pareil quand un méchant appelle. Allô? Voilà, c'est bien, on vous entend, mais on vous voit plus. J'ai l'impression de téléphoner mes parents. Les Pingouins de Madagascar, de DreamWorks. On a besoin d'infos sur la planque de Dave. Pousse planque, Dave. Dis-nous tout. Tu vas parler, oui? Chef, c'est un bébé pieuvre. Désolé, petit loup. Hunger Games, la révolte, partie 1, du réalisateur Francis Lawrence, en version française. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. Je n'ai jamais voulu participer au jeu. Je voulais juste sauver ma sœur et garder Pita en vie. Mademoiselle Everdeen, ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. J'appelle tous ceux qui nous regardent à déposer les armes. Tu es vivant. Pita est l'arme du Capitole. Comme toi, tu es la nôtre. Vous allez sauver Pita le plus vite possible. Ou vous devrez vous trouver un autre gemme au cœur. Bergman, du réalisateur Alejandro González Iñárritu, en version originale anglaise avec sous-titres français. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Bergman. I like that poster. You you wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Hold the mask off! You do Birdman 4? Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. I'm gonna grab up on your ass, fucking choke you out. Don't. You know I'm right. You're so nice. Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad. Listen to me. I'm just a... You are the original, man. Let's make a comeback. Oh, Lord, please don't let me be. That's what I'm talking about. You're a bird, man. You are a god. Shit. Music. He's a Hollywood clown in a Lyco bird suit. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. It's about being respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit. I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Birdman! There you go, you motherfucker. Dude, you fucking rock! Les nouveaux héros, des réalisateurs Don Hall et Chris Williams, en version française. Bon, alors, si je comprends bien, un homme avec un masque kabuki a donné l'assaut avec une armée de robots volants miniatures. Des micro-robots. Dis-lui, Baymax. Oui, monsieur l'agent. Micro-robots. Oui, il les contrôlait par télépathie avec un neurocerveau transmetteur. Dépêche-toi. Je ne suis pas rapide. Non, sans blague. Cours. Alors, monsieur Kabuki a usé d'un moyen paranormal pour vous attaquer, toi et ce ballon ambulant. Vous devez croire que je délire. Petit... Si j'appelais plutôt tes parents pour qu'ils viennent te chercher... Quoi ? Écris ton nom et ton numéro sur cette feuille de papier pour qu'on te... Oh. Il faut qu'on capture ce type. Mais pour ça... T'auras besoin d'une petite mise à jour. Avec un masque, il vient d'essayer de nous tuer. C'est pas génial? Ça fiche la trouille, évidemment, mais c'est trop cool! Qu'est-ce qui te prend? Batterie déchargée. T'es rentré, mon ange? Nous avons sauté d'une fenêtre. Qui est là? Chut, nous avons chuté d'une fenêtre. Bébé poilu. Bébé poilu. Mommy, du réalisateur Xavier Dolan, en version originale française. Écoutez, Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les sceptiques seront confondus. Votre renigné solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire à l'école à la maison, tant que tu reprends le billet d'école normale. Allez, là, là, Sty, ça fait pas 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu maintenir la graine de que je pisse aussi? Assieds-toi là, femme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up! Si t'as ton gars en plein, pis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics pis tes claques, pis sayonara, magadaï. Calme-moi, là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, protéger. En l'air fine, la nouvelle voisine, c'est une maîtresse d'école, c'est la sabbatique. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ben, ça a l'air de rien de même, mais on est après repogner le beat, pas de vrai. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand tu pètes une fuse, tu t'en souviens de là, ben, ça jouera. On sait qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Moins, on sait encore, hein? Mon Dieu. C'est ça qu'on fait mieux, mon homme.